Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on va parler de l'initiative Beach Cleanup et de l'action de l'Union Européenne contre la pollution. Bonjour Camille, qu'est-ce que le Beach Cleanup ? Alors, c'est une initiative lancée par les Nations Unies, l'Union Européenne et les Schtroumpfs, qui sont ambassadeurs de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. Les institutions et les ambassadeurs de l'agenda 2030, les Schtroumpfs donc, se sont associés pour nettoyer les plages du monde entier dans le cadre de la campagne EU Beach Cleanup. Alors, cette initiative, elle invite les citoyens du monde entier à participer aux efforts locaux de nettoyage des côtes. Pourquoi est-ce si important de s'y attaquer ? Eh bien Yves, les déchets marins constituent un défi à la fois mondial et local. Dans le monde entier, on estime que 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans nos océans. Et on estime que 80% de tous les déchets marins proviennent de sources terrestres. Effectivement, il est temps d'agir. À qui précisément cette campagne s'adresse-t-elle ? Eh bien à tout le monde, hein. Citoyens, collectivités, associations, entreprises, chacun peut y participer. La campagne, elle s'appuie sur l'idée que nous pouvons atteindre les objectifs de développement durable si nous travaillons ensemble. Quelle forme prend cette campagne ? Eh bien, plusieurs événements de nettoyage de lacs, de plages et de rivières sont organisés, notamment autour de la Journée internationale du nettoyage des côtes qui se déroule chaque année en septembre, le 18 septembre cette année, pour sensibiliser à la pollution provoquée notamment par le plastique. Et quand cette campagne a-t-elle été lancée et jusque quand dure-t-elle ? Alors, cette campagne, elle a démarré en 2017 et depuis, elle est reconduite chaque année. Elle a été relancée cet été et elle va se poursuivre jusqu'à la fin octobre. Combien d'événements ont été organisés jusqu'à présent ? Eh bien, en 2021, malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, 277 opérations de nettoyage de côtes ont été organisées dans plus de 60 pays sur les 5 continents. Plus de 15 000 personnes y ont participé, permettant ainsi de ramasser plusieurs dizaines de tonnes de déchets. En quoi cette campagne est-elle différente cette année ? Eh bien, cette cinquième édition de la campagne EU Beach Cleanup se concentre sur les jeunes, 2022 ayant été consacrée Année européenne de la jeunesse par les institutions européennes. On en a déjà parlé dans une chronique précédente. Et elle se place sous le thème « Unis face aux déchets marins, les générations futures, les organisations internationales, les leaders nationaux et les ONG travaillent main dans la main pour combattre ce fléau ». Comment faire pour y participer ? Alors, pour cela, c'est très simple. Il vous suffit, si vous vous sentez concerné et que vous avez envie de faire un geste pour la planète, de télécharger l'application, alors, E-World Act Now. Alors, c'est en anglais, mais on le reprécisera peut-être sur le site. Et ensuite, de rejoindre l'équipe Beach Cleanup. Vous pourrez ensuite ajouter votre événement en ayant pris soin de définir une date et un lieu où organiser l'opération de nettoyage collecte de déchets, hein, par exemple au bord d'une rivière, de lister le matériel et les équipements dont vous aurez besoin, et le plus important, bien sûr, de recruter des volontaires. Alors ça peut être un groupe d'amis, des membres de la famille, des membres d'une association, le groupe Facebook de votre ville. Tous les canaux de diffusion et de communication peuvent être utilisés. Et puis, pas de panique, si vous n'êtes pas un grand groupe, hein, un petit groupe de 5 personnes peut déjà faire beaucoup. On compte donc sur vous, vous avez jusqu'au 31 octobre pour relever le défi. Et comment faire si on souhaite plus d'informations ou des conseils pour organiser l'événement ? Eh bien, pour cela, rendez-vous sur le site de la Commission européenne et la page dédiée en recherchant dans un moteur de recherche EU Beach, alors B-E-A-C-H, plus loin Cleanup, C-L-E-A-N, Up, U-P. Vous pouvez aussi nous appeler au 07 75 11 54 11 ou nous envoyer un mail à Europe Direct sans E, @territoire.com. Oui. Et on se fera un plaisir de vous aider. Merci Camille, restez avec nous. On revient tout de suite après une pause musicale. C'est la chanson du groupe de disco italien Righiera et leur fameux titre Vamos a la Playa. sur Radio Fagette pour l'émission Europe en Air, présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Alors, aujourd'hui, on parle de l'initiative Clean Up et de l'action de l'Union européenne contre la pollution. On a évoqué un peu plus tôt cette campagne Beach Clean Up, mais de manière globale, comment l'Union européenne s'attaque-t-elle à cette pollution provoquée par les plastiques ? Eh bien, l'Union européenne est à la tête de la lutte mondiale contre les déchets marins et elle a récemment adopté une législation qui vise à réduire les plastiques à usage unique, notamment les articles que l'on retrouve le plus souvent sur les plages. Alors, depuis 2021, grâce à l'Union européenne, vous ne trouvez plus de paille, de pique à steak, d'assiettes, de couverts, de bâtonnets mélangeurs ou encore de tiges de support pour ballons en plastique. La législation européenne, elle se concentre aussi sur les engins de pêche perdus qui représentent quelque 27% de tous les déchets sur les plages. Mais ce n'est pas tout. Non, alors dans cette stratégie globale pour lutter contre le plastique, l'Union européenne souhaite transformer la façon dont les produits en plastique sont conçus, produits, utilisés et recyclés. Et en ce qui concerne les emballages en plastique, la stratégie de l'Union européenne prévoit que d'ici 2030, tous les emballages en plastique devront être réutilisables ou recyclables, un objectif qui a été étendu à tous les matériaux d'emballage avec l'adoption du Pacte vert européen et du nouveau plan d'action pour l'économie circulaire. On parle aussi beaucoup de pollution de l'eau et des océans. Que fait l'Union européenne ? Alors, l'Union européenne s'attaque aussi de manière globale à la pollution de l'eau par les substances chimiques, notamment avec la directive sur les nitrates. Cette directive, elle constitue un instrument important pour atteindre l'objectif de la directive cadre sur l'eau, à savoir parvenir à un bon état chimique et écologique de toutes les masses d'eau. Au plus tard en 2027, la directive, elle établit un certain nombre de mesures que les États membres doivent mettre en place. La pollution, on peut dire que c'est un problème global. Oui, c'est pourquoi l'Union européenne a aussi adopté un plan d'action zéro pollution, dont l'objectif est de ramener la pollution de l'air, de l'eau et des sols à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels d'ici à 2050, et elle fixe les étapes pour y parvenir. Quels sont les objectifs chiffrés ? Alors, d'ici 2030, pour lutter contre la pollution de l'eau, l'Union européenne devra notamment réduire de 50% les pertes de nutriments, l'utilisation et le risque des pesticides chimiques, y compris les plus dangereux, et aussi la vente d'antimicrobiens pour les animaux d'élevage et dans l'aquaculture, et enfin de réduire de 50% les déchets plastiques en mer et de 30% les microplastiques rejetés dans l'environnement. Peux-tu nous rappeler comment faire pour participer à l'initiative EU Beach Cleanup ? Oui, alors pour cela, c'est très simple. Si vous vous sentez concerné et que vous avez envie de faire un geste pour la planète, il vous suffit de télécharger l'application A World Act Now et ensuite de rejoindre l'équipe EU Beach Cleanup. On vous précisera tout ça voilà, dans les petits articles. À vous de mobiliser donc famille, amis, associations pour votre opération de nettoyage. Une petite question bonus. Pourquoi les Schtroumpfs sont-ils les ambassadeurs de cette campagne ? Eh bien, les Schtroumpfs, créés par le dessinateur Peyo en 58, sont un symbole universel d'optimisme et d'amitié. Les Schtroumpfs bleus vivent en harmonie avec la nature et ils apportent du bonheur aux enfants et aux adultes du monde entier. Les Schtroumpfs ont donc été choisis pour être les partenaires officiels de la campagne EU Beach Cleanup et des objectifs de développement durable. Et on compte sur vous pour leur prêter main forte. Merci Camille, c'était la chronique Europe en Air sur Radio Fagett présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À très bientôt.